gen moun la comme ça m'a dit ya. Parce que si c'est pas pour Jésus, il va connait côté au tapier. Let me tell you. So j'aime t'a jouer musique dans jazz. Pour moi c'était une équipe jeune garçon, nous t'a fait musique. Amis, c'est ça t'a intéressé. De juste voulait faire musique, de juste voulait voyager dans l'autre pays à faire musique. But you know what? Depuis c'est où qu'un talent, c'est où qu'un danger. Parce que n'importe qui ça gagne, c'est où il veut prendre. C'est où il veut casser pio. Parce que si pio casse, ben n'a pas campé. So, merci. Laisse ça, si Jésus parle là, je vais me taper les couilles. C'est une raison pour me dire que Jésus c'est bon ami. So, si c'est bon ami, je vais faire l'entrée dans moi. Je vais faire l'habiter dans le camp. Je vais faire l'habiter dans moi. Hold on. Listen. Je vais demander Seigneur à ça à soi. Mais je vais demander ça pour vous tout. Mais tout ce qu'il fait pour tête tout. Listen. Let me try something. No, no. Viens rencontrer avec moi. Mon besoin. Besoin. Nan mwen soif présence ou mwen besoin oh MC MC come on mwen besoin Moi sois présent sous, comment? Moi sois présent sous. Besoin. Besoin. Yes. Besoin. Come on. Amour infini. Yes. Amour infini. Habitez dans moi. Yeah. Habitez dans moi. Jésus. Jésus moi. Malgré j'en sentis là, l'élite là. Bon, l'élite pas là. Non seulement on mourit, on souffrit, bon, on souffrit dans l'amour, parce qu'on n'a pas qu'on sauve. Et ça qui est, ou quand même mal péri dans l'enfer. Est-ce que c'est ça ou voulez à soi? Donc, à soi, il y a une chance pour faire Seigneur à part, rentrer dans le cœur, faire l'habiter. You want that? You want that? Hold on. This time. Habite, habite, habite, habite, habite, habite, habite, habite, habite, habite, habite, habite, habite, habite, habite, habite, habite, habite, Jésus, Jésus, Jésus, Jésus, Jésus. Jésus, Jésus, Jésus, Jésus, habite, habite, nan kè mwen, nan kè mwen, Jésus, Jésus, Jésus, Jésus, habite, habite, nan kè mwen, nan kè mwen, nan kè mwen, nan kè mwen, nan kè Jésus, place dans le cœur. Jésus, prends place dans le cœur. Jésus, prends place. Et then you do. Yeah. Moi, je vais vous face à face. Jésus-moi. Merci à tout le monde qui fait déplacement aujourd'hui.